croyais quoi, que la vie allait changer, que tu allais être heureux et dans l'argent t'allais te noyer. Tu croyais quoi, que j'allais m'y donner, que j'allais arrêter, mais c'est le rap et ma destinée. Tu croyais quoi, que la famine allait s'arrêter, que tout le monde pourrait manger sans se la péter. Tu croyais quoi, que tout le monde allait être égo, qu'il n'y a plus d'héros, ou plutôt plus de zéro. Tu croyais quoi, que l'état allait changer, qu'ils allaient accepter que tout le monde est un métier. Tu croyais quoi, que ma vie était cachée, que la femme que j'aimais allait me quitter. Tu croyais quoi, que ta vie était nickel, tout l'argent, toutes les gonzesses, mais pas le principe, pas l'amour d'une mère. Tu croyais quoi, que sans nous tu allais vivre, mais tu peux me rappeler qui t'a donné la joie de vivre. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu voyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu voyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Tu croyais quoi, que j'allais m'arrêter, mais c'est que les deuxièmes couplets, ce n'est pas prêt de se terminer. Tu croyais quoi, que notre vie allait changer, mais c'est notre récompense sera de finir dans les sangs. Tu croyais quoi, que mes larmes n'allaient pas couler, quand j'ai perdu ma grand-mère, là c'est personne que j'aimais. Tu croyais quoi, que j'allais vous oublier, vous les frères qui a toujours été là pour m'aider. Tu croyais quoi, que j'allais pas m'en sortir, que ma maladie allait me tuer. J'allais partir avec le sourire. Tu croyais quoi, qu'on aurait le sourire, car on a plutôt le martyr, toi qui voulais finir au paradis. Tu croyais quoi, qu'on n'aurait jamais pu mourir, qu'on sera toujours en vie, et ça avec le sourire. Tu croyais quoi, que les livres allaient nous instruire, ou plutôt détruire, de savoir réellement la vie. Tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu voyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu pensais quoi, dans cette vie je crois, je pense, que je vois, ce que je sens. Mais tu croyais quoi, dans cette vie, mais tu sentais quoi, dans cette vie je vois, je sens, la vie qui n'a ni queue ni sens. Ça. Mais tu croyais quoi, le destin d'un jeune perdu, car beaucoup de choses me perturbent. Ça, le destin d'un jeune perdu, car beaucoup de choses me perturbent.